est grise, la ville est vide sans habitants. Elle est vide. Y a plus rien dans les frigos, dans les parkings, il n'y a plus d'auto. Des bistrots. On regarde passer les oiseaux. Les mouettes, c'est mieux que les corbeaux. La mer est bleue, les plages sont pleines. On se fait des bleus quand on se baigne. On se fout des bagnes pour un steak bleu. Et toutes les plages bien sont déjà prises. Tous les hommes bien sont déjà pris. L'été, c'est bon, l'été, c'est sur un pédalo. On regarde passer les oiseaux. Les mouettes c'est mieux que les corbeaux. L'été c'est bon, l'été c'est beau. Quand on voit tout d'un œil nouveau. On fait la queue devant le lido. On se fait la tête au bord de l'eau. On met les voiles sur un bateau. Porte-maillot. L'été c'est bon, l'été c'est beau. On voit passer un pétalo. Les mouettes c'est mieux que les corbeaux. L'été c'est bon, l'été c'est beau. Quand on moissonne le coquelicot dans une bouteille de veuve Clicquot. L'été c'est bon, l'été.